Tentons ce soir de mettre un terme à l'année 2013 avec ce troisième chapitre de notre rétro Undead. En ce qui nous concerne, le terme tenté est quelque peu nébuleux. Les mortels affirment devoir prendre des résolutions lors d'une nouvelle année, et bien nous aussi. Et cette résolution est de ne pas comprendre ce que cela veut dire. Donc, ce que nous tenterons ce soir, soit de clore la rétrospective, est en bout de ligne le dernier de nos soucis. Puisque nous ne savons pas ce que le mot « tenter » signifie. Encore une fois, nous racontons n'importe quoi. Il faut savoir être intègre dans la vie. Voici réanimation. C'est bien pire parfois d'avoir un médecin son assistant, qui en plus d'être inculte, son menteur, fourbe, hypocrite, arrogant, et qui possède toutes les autres qualités du même genre. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, 'cause fear is our fucking business. We are undead, incorporated, 'cause we said so. Ktonic, go! Yeah! souhaite pas les bienvenus à cette nouvelle édition de réanimation en ce 21 glacial janvier de notre disgrâce 2014. Je suis le Dr. Payne Pendragon. Et non, il ne s'est pas encore sauvé. Il est là, Sinistros. Et bonjour. Bonsoir. Bonne nuit. Bonsoir. À l'année prochaine. Sur ce. Ici, je dois dire que Sinistros, ce soir, est bien mal en point. Je suis un bien piètre docteur parce que je n'ai pas réussi à le soigner, quoique je ne l'ai pas tenté non plus. Moi, il a voulu m'offrir des suppositoires aux profs de Cayenne. Je lui ai dit que je les avais tous mangés dans mon spaghetti. Ben, tôt ou tard, tu devrais en sentir l'effet. Oui, sûrement. Bon. Je te demanderai pas comment ça va, je le sais. Bon, ça va moyen. Ah, c'est moyen, finalement. Bon, désolé. C'est pas grave. T'as pas à être désolé parce que tu t'en fous de toute façon. Oui, t'as entièrement raison. Je m'en fous. Je voulais juste bien paraître devant les auditeurs, c'est tout. Mais tu peux pas paraître devant parce qu'on est à radio. Non, je peux paraître derrière. Ah oui, c'est ça, OK. Oui. Écoute, on entre en onde aussi rapidement que ça après une seule pièce, simplement parce que avec la pièce que tu vas nous présenter, on vient de clore le mois de mai. Oui, parce qu'on n'a pas eu le temps de le finir la semaine dernière. Ben non. Comme contraint de regarder ça, j'ai l'impression qu'on va se lancer vers une quatrième aventure de cette rétro Undead. Il se pourrait. Oui. On vient d'entendre Tonic, qui nous vient de Taïwan, band très originale qui mélange les racines de son pays avec une espèce de black metal plus symphonique. Je trouve ça bien cool, le mix avec les corps de ton, là, c'est vraiment intéressant. C'est paru sur l'album Biotic. La pièce, c'était Supreme Pain of the Tyrant. C'est sur le label Spine Farm Records. D'ailleurs, si je ne m'abuse, la pièce est terminée sur quelques notes de koto. Oui, c'est ça. Fait très traditionnel. Mais parce que c'est le fun, parce que eux autres, ils jouent avec des quarts de ton. C'est comme le Japon. Ouais. Nous autres, on est habitués au demi-ton. Nous autres, ils marchent avec des quarts de ton. Fait que c'est comme. Fait que ça fait des plus petits poissons, ça. Ça fait des petits poissons, c'est ça. Ça fait des minis, tu sais, finalement. <c'est ça. rire> Aïe, aïe, aïe. On a heureusement retrouvé l'accès Internet cette semaine, donc je pourrais faire en fait, je vais essayer de me rattraper avec la rétro Ciné Undead. Là, parce donc, effectivement, on va en avoir une quatrième. Ouais, ça se pourrait, parce que je regarde ça comme ça, je suis en retard de quelques films, mon ami. On va revenir après le prochain bloc, on va revenir là-dessus. J'ai aussi vu quelques bons trucs le week-end dernier au niveau du cinéma, là, assez intéressant qui méritera que tu y portes attention, je te dirais. Mais tout de suite, débutons ce mois de juin. Avec des platitudes épouvantables. Ouais, toi, t'aimes pas ça, je le sais. T'aimes pas ça, Black Sabbath, toi. Oh, ça, c'est correct. Bon, t'aimes pas ça, Megadeth, toi. Ben, les premiers albums, peut-être. Ouais, généralement, moi aussi, mais celui-là, j'ai trouvé bien. T'aimes pas ça, Exhumed. Ouais, plus ou moins. Mais je sais que t'aimes pas Kalma. Non, ça, pas du tout. En fait, j'ai changé le bloc, c'est juste du Kalma. OK. On va juste du calmar frit, finalement. Voilà. Donc, dans ce bloc, nous allons nous rendre du 4 juin jusqu'au 2 août. Et ici, là, je dois encore faire une précision. Il s'est passé plein. Il est sorti beaucoup de choses, là, autres que ce qu'on présente. Mais nous, on a retenu ce qui nous a plu. C'est ça. Donc, on va y aller successivement entre le 4 juin, le 11 juin, le 17 juin, le 28 juin et le 2 août. Pour le mois de juillet, pour nous autres, c'est mort. C'est ça. C'est rien pour ça. Ben, on est en vacances. Aussi. Qu'on n'a rien écouté partout. C'est ça. Puis on a tout fermé. On a masse, oui, c'est ça. Et heureusement, quelqu'un m'a allumé quand c'était le temps. Donc, on va entendre dans cet ordre précis, en début de bloc et jusqu'à la fin, Megadeth fait la pièce Kingmaker, Black Sabbath, la pièce Live Forever, Kalma, Pikemaster. En fait, je dois faire une petite parenthèse au niveau de Kalma. J'ai jamais aimé ça avant. Cet album-là, par contre, je le trouve correct. Ah. J'ai trouvé correct. Même en fait, j'ai dit, waouh, c'est beaucoup meilleur que je l'aurais cru. Donc, c'est pour ça que je l'ai retenu. On va entendre Facebreaker, un choix de Sinistros. On va colorer le tout avec Exhumed. Donc, tout de suite, allons-y avec Megadeth, Kingmaker. Go!

Exhumed et la pièce de Shape of Death to Come que l'on retrouve sur leur dernière parution, bien entendu, Necrocracy, qui est paru évidemment aussi en 2013 sur l'étiquette Relapse. C'est pas l'album de Exhumed que je préfère dans leur discographie, mais il reste que c'est un bon album. Généralement parlant, faut aimer le style évidemment, là, qui est un death, c'est du gore metal à tendance grind. C'est quand même assez égal ce qu'ils font, je dois dire. Ben, ça tourne là, c'était bon. Ouais, c'était bien. Juste auparavant, nous avions. Ben, Facebreaker. Arrête donc, toi. Ben oui, ben oui. Okay. C'est un pèteur de face. Qui nous vient de la Suède. Pèteur de face. Ben, pèteur de face. Accueillons pèteur de face. Pèteur de face. C'est un lutteur, ça, ça. Oui, oui. Avec la pièce Zombie Flesh Cult. C'est sorti de l'album Dedicated to the Flesh, paru en 2013. Ah, ouais. Sur Cyclone Empire. Tout un don. Vous avez donc Kalma, le band préféré à Sinistros. J'ai oublié de dire qu'Exhumed est paru le 2 août. OK, ouais, une chance que tu te rattrapes. Là, oui. Facebreaker, c'est paru le 28 juin. Oui, c'est et Kalma, Kalma, Kalma, Kalma, Kalma. C'est paru le 17 juin. C'est peut-être meilleur que ce qu'ils ont fait, mais ça... Ah, honnêtement, moi, je trouve que c'était des années-lumière de ce que je connaissais de... Je me rappelle, à l'époque, les Lutins de l'Enfer en passaient régulièrement. Ben, ça faisait pas mal Cheese Run of Bodom. Oui, oui, oui, oui. J'aimais pas ça du tout. Bon, j'avoue qu'il y a l'aspect keyboards que j'aime pas vraiment dedans, là, dans ce genre de métal-là. Mais je trouve que cet album-là, Seventh Swamp Funny, qui est paru sur Spine Farm, se démarque, en fait, assez pour que je l'ai remarqué en... l'année dernière. Mais fait, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de jeter une oreille à Kalma, toi qui disais que tu n'aimais pas ça? Parce qu'il y a juste. Il y a juste toi qui ne change pas d'idée. Pas juste des fous, il y a juste toi, non. Écoute, c'est un peu comme je t'expliquais la semaine dernière en ce qui concerne. Vais-je le dire d'un instant, là? Je vais aller chercher, je lis ici. Je vais faire un petit Gaétan Montreuil de moi-même, je vais chercher ma nouvelle. Mais voici Gaétan. Ici Gaétan Montreuil. Non, pas en tout. Okay. Udo. Oui. Udo, Anvil. Ce que tu, la semaine dernière, tu me disais, je comprends pas. Ben, c'est des albums que j'ai écoutés une fois, deux fois, trois fois, puis qui n'ont pas été jugés. OK? Oui, mais Kalma, même, normalement, tu dis, j'ai jamais aimé Kalma. Pourquoi t'as pris la peine de jeter une oreille, okay, même première là-dessus? Parce que c'est le Rockmaster qui m'a dit, il m'a fait écouter ça à un moment donné. Je dis, c'est quoi ça? Il dit, c'est le dernier Kalma. Je dis, c'est cool ça. Fait que okay, je me suis procuré. J'ai exploré l'album. Je l'ai pas trouvé bon à 100%. Ça, je serais menteur de dire le contraire. Je l'ai pas trouvé tout bon, mais j'ai trouvé quand même suffisamment intéressant pour dire, oui, ça vaut la peine vraiment d'en parler dans ma section de Retro Undead. Écoute, ça se pourrait que le prochain, je l'aime pas, là. Comme les précédents, je les ai pas aimés, t'sais? Mais pour cette année, il était correct. D'accord. C'était Pike Master, comme je l'ai dit, qu'on retrouve sur Seventh Swim Funny. Nous avions Black Sabbath auparavant et la pièce Live Forever qu'on retrouve sur Album 13, qui est paru sur Vertigo. D'ailleurs, je vais voir Black Sabbath. J'ai bien hâte. La formation quasi originale. Ouais, quasi. Ben, quasi. Sans Tony Iommi, sans Geezer Butler, sans Ozzy Osbourne, ouais, sans ça. Bill Ward. C'est ça. C'est fait. quasi. Non, il y a juste Bill Ward qui est pas là. En français, tu t'en allais me dire, il y a juste Bill Ward qui va être là. Oui, il y a juste Bill Ward qui va être là, mais en fait, tout ce qu'il fait, c'est faire la claquette. C'est ça. Ouais. Puis, il y a là après ses compatriotes. Non, son. Ouais. Ça se pourrait. Malien de tabarnouche. Black Sabbath est paru le 11 juin. Et le 4 juin, nous avons ouvert le bloc avec l'album Megadeth, qui porte le titre de Super Collider, qui est paru sur Tradecraft. C'est, selon moi, c'est un des bons albums de Megadeth. Puis moi, honnêtement, là, je suis comme toi, là. Moi, c'est les premiers albums que j'aime vraiment pour dire qu'ils se les trouvent bons. Après ça, je trouve que ça a pris une débarque. Je mets plus ça pantoute. Aller jusque, je te dirais, à... quel est son... Endgame. Endgame. Ça m'a fait renouer avec la band. Après ça... 13 n'était pas bon. 13, j'ai pas aimé. Mais Super Collider, je trouve que c'est un bon album. Mais avoue que la pochette est lette en maudit. Oui, elle est vraiment affreuse. Ça, j'en comprends. Tu sais, comparativement à toutes les super pochettes de Megadeth qu'on a eu par le passé, ça fait vraiment pipique, là. Oui, mais tu sais que c'est un enfant de 5 ans qui l'a fait, hein? Ben, c'est chien pour les enfants de 5 ans, ça. Oui. Puis il s'appelle Dave Mustaine. Ah, c'est ça. Donc, c'est cela. Kingmaker est sorti la pièce d'ouverture de l'album Super Collider qui est paru le 4 juin dernier. 2013, évidemment. On va faire une petite incursion côté cinéma. Ce vendredi, c'est la sortie du film que j'ai vraiment hâte de voir, qui s'appelle I, Frankenstein. C'est une espèce d'adaptation, bien entendu. Bon, là, ça pourrait être cool. Ben, écoute, moi, là, à date, ce que j'ai vu comme critique de ceux qui ont pu le voir en primeur, les cotes sont bonnes. Sont bonnes? Oui, les previews sont intéressantes. Ben, dans le fond, c'est un remake de l'histoire de Frankenstein. Ouais, c'est un remake très, très, très modernisé et très adapté. Là. On s'entend qu'il y a une base de Mary W. Shelley là, qui reste en dessous, là, mais c'est à peu près tout. Là. Donc, ça sort vendredi. Je ne sais pas si ça va être dans les cinémas régionaux ici, mais certainement dans la région montréalaise et québécoise, je présume. Mais vous pourrez probablement l'avoir éventuellement ben, en location ou en achat, ça c'est certain. J'ai vu quelques trucs intéressants. Je sais que tu te rappelles quand le premier volet de ce film, Machete, oui, était sorti. On en avait parlé, on avait aimé beaucoup tous les deux. C'est un film de Robert Rodriguez qui met en vedette Danny Trejo et Michel Rodriguez. Et ici aussi, Machete Kills, qui est disponible à partir d'aujourd'hui en Blu-ray DVD, c'est la suite. Écoute, moi j'ai trippé pas mal fort ce film-là, mais ça même en vedette Mel Gibson aussi. Hein? Oui, oui, apparemment que... Oui, apparemment que c'est vrai. Apparemment que c'est vrai. C'est le président qui demande à Machete de sauver le pays d'un redoutable cartel mexicain qui risque d'envoyer un missile là, sur les États-Unis. T'sais, ça se tient pas, là. Ça n'a aucun rapport. Là. T'sais, ça se peut pas là, de demander à une espèce de meurtrier à coup de machette de sauver les États-Unis. Là. C'est ridicule. Mais c'est ça qui est le guide. C'est pas de même ça marche, d'habitude? Ben oui, mais dis-le pas. Okay. Franchement. J'y ai pas pensé. Là, il faut que j'enlève mes yeux pour te regarder en pleine face. J'ai failli vendre le punch. Ben, il y en a pas. Le punch? Oui, il y en a beaucoup, il punch beaucoup de monde. Là, ah, okay. Mais, c'est pas. Il n'a pas d'autre chose. Je pensais parce qu'il avait tout bu, il punch. Ah, oui, aussi. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que Robert Rodriguez, là, c'est l'ancien producteur de Quentin Tarantino, c'est deux grands amis. Puis les gars, ils trippent ses films des années 70. Les films qui sont poches, les films qui sont kitsch. Les films qui étaient mal faits, ils aiment ça. Les films de kung-fu, ils aiment ça. Oh, où les Chinois se battent une demi-heure dans les airs avant de tomber. Ça saigne à côté. Là. Oui, oui, ils aiment ça. Tout donc, eux autres, ils exagèrent tout. Puis ils en font une espèce de parodie, finalement. T'sais, c'est un film d'action, mais avec une grosse dose d'humour et de parodie qui est à peine dissimulée. Donc, ça fait des films qui sont extraordinairement gros et juteux et giclants. Mais c'est vraiment cool, c'est très, très, très distrayant. Moi, j'ai donné un 8 sur 10. Machete Kills, c'est disponible à partir d'aujourd'hui. J'ai écouté un autre film aussi, qui est aussi disponible en DVD Blu-ray. Et c'est un film canadien. Oui, puis écoute, je l'ai su en écoutant le film. Ça s'appelle Hunter. C'est un film de Vincenzo Natali. Tu connais bien? Non. Moi non plus. Qui met en vedette des gens que je ne connais pas, comme Abigail Breslin, Samantha Weinstein et Stephen McCarthy. Je ne les connaissais pas du tout. C'est un thriller à tendance horreur dans une espèce d'enveloppe de fantômes, si on veut, de hantise. C'est intelligent, c'est original, c'est par moments déroutant, mais c'est particulièrement bien fait et bien interprété. Écoute, grosso modo, là, c'est une famille là, qui vient d'emménager dans une nouvelle maison. Une famille qui comporte le père, la mère, une adolescente et un jeune garçon. Et leur petit chien? Ils n'ont pas d'animaux. Ah. Et ils sont... L'adolescente se rend compte que les choses, un peu comme le principe, si tu veux, du jour de la marmotte, que jour après jour, c'est la même chose, les mêmes dialogues qui reviennent, qu'à l'extérieur, c'est toujours brumeux, qu'il fait jamais soleil, puis que toutes les fois, elle finit sa journée, puis quand elle se couche le soir, ben, elle a l'impression que ça va recommencer, ça recommence. Je vois pas plus loin. Je vois pas plus loin. C'est un film à voir, Hunter, c'est bien fait. Et pourquoi je te dis, je l'ai vu à la fin, là, que c'était un film qui était canadien. À un moment donné, il y a une prise de vue d'une automobile qui est dans le garage, puis c'est une plaque d'Ontario. C'est vrai? Oui. Puis, écoute, moi, cinéma canadien, je suis pas un gros fervent de ça, là, mais je peux te dire que ça, là, ça surclasse bien des trucs. Bien des trucs, certainement. Un autre film intéressant à voir, c'est Rush. C'est un drame sportif. Wow, un drame sportif. Comment ça, Pendragon aime ça? Parce que je suis un curieux de nature. Ça met en vedette Chris Hemsworth, Thor, Puis, j'étais curieux de voir ça. Ce qui est bon, c'est que c'est un peu historique. Ça met ça met en contexte la dualité qu'il y avait entre James Hunt et Niki Lauda, qui étaient tous les deux des grands pilotes de Formule 1 dans la fin des années 70. C'est principalement axé sur les courses qui ont eu lieu en 76, parce que les deux se détestaient profondément. Et Niki Lauda, on nous le présente comme étant un personnage foncièrement désagréable. Et semble-t-il que c'était vrai. C'est bien fait. C'est un drame. Oui, il y a des courses, évidemment, mais c'est pas uniquement axé là-dessus. Puis je trouve que ça vaut vraiment la peine de le voir. J'ai donné un 7.5 sur 10. J'aime pas ce genre de film-là d'habitude, mais c'est très, très bien fait. C'est un film de Ron Howard. Fait que ça, en partant, écoute, Ron Howard, là, c'est pas le nouveau venu. Puis c'est ce qui m'a attiré. Donc, Rush, ça vaut la peine de le voir. Je vous le recommande. Un film que vaut peut-être pas vraiment la peine de voir s'appelle A Resurrection. C'est pas si mauvais que ça. C'est un film, oui, d'horreur, de zombies, si on veut. C'est un film de Matt Orlando. C'est disponible en DVD Blu-ray. C'est pas mauvais, mais ça a mérité juste un 6.5. Donc, c'est distrayant, c'est rien d'autre à faire. D'accord? Et je finirai avec le film à revoir ou à découvrir que je n'ai pas pu faire la semaine dernière. C'est House of Thousand Corpses. Qu'est-ce qui se passe là? As-tu vu ça? Ah, ta souris. Non, c'est de l'antise. Ah, OK. House of Thousand Corpses, qui est paru en 2003, c'est le premier film long-métrage de Rob Zombie. Est-ce que tu as déjà vu ce film-là? Il me semble que oui. C'est vraiment trop marteau. Ça, c'est vraiment marteau. Moi, je donne une cote de 9 sur 10. Ce film-là, je le réécoute au moins une fois par année, puis je le trouve toujours aussi bon. C'est complètement disjoncté. C'est complètement fou raide. C'est fêlé. Ça met en vedette Sid Haig, Bill Moseley, qu'on avait retrouvé à l'époque dans l'original Texas Chainsaw Massacre. Et évidemment, Sherry Moon Zombie. Hein? Il fait pas de film sans Sherry Moon. Donc, c'est son premier film d'ailleurs, elle aussi. C'est fou raide. C'est vraiment fou raide. C'est un film d'horreur, maniaque. Faut que vous voyez ça. Sid Haig, dans le rôle du Capitaine Spaulding, est absolument extraordinaire. Il tient un gaz-bar avec un kiosque de poulet frit. C'est un beau mélange. Ouais, mais il faut que tu vois le gaz-bar, là, tu vas comprendre bien des choses. Là. Donc, House of Thousand Corpses, je vous le recommande fortement. Bon, je prends quelques minutes pour vous dire que j'ai été rendu à la rétro-ciné Undead au film Now You Can't See Me. Est-ce que tu as vu ça avec les prestidigitateurs, puis ils font des gros shows à grand déploiement? Oui, c'est avec Morgan Freeman. Exactement, c'est très, très bon ce film-là. Ça, c'est un film que je vous recommande. On ne s'attend pas du tout au dénouement de l'histoire. Exactement, c'est un film qui est intelligent, qui était surprenant. Now You See Me, c'est vraiment, vraiment bon. Un autre film que je pense qu'on a aimé quand même relativement également, c'est Ansel and Gretel. Oui, c'est très Witch bon. Witch Hunter. Oui, c'est un bon film aussi. Apparemment, qu'il y aurait une suite. Il va y avoir une suite, effectivement. Écoute, un de mes highlights, là, vraiment, vraiment, de 2013, c'est le Hobbit Part 2. Je l'ai pas vu encore. Oh, c'est bon. C'est vraiment bon. Ça prend 3 heures, là. OK. Mm-hmm. De Peter Jackson, c'est The Desolation of Smaug. C'est vraiment bon. Écoute, c'est faut aimer le style, évidemment, là, Fantasy Eric, là. Mais c'est vraiment, vraiment bon. The Hobbit, le deuxième volet de Hobbit, c'est excellent. Iron Man 3 aussi, c'était cool. Oui, c'est très bon. Ça aussi, c'était cool. Ça, c'est un film que j'ai bien, bien aimé. On va continuer musicalement, cette fois-ci, avec des choix de Sinistros en début. Qui sont? Ben, Fumigation, formation d'Ottawa. Ils font dans un death metal assez intense. L'album s'appelle Integrated Pest Management. Et on va entendre la pièce Methyl Bromide Poisoning. Tout ça, on pourrait les inviter, eux autres. Ils seraient très bons dans notre laboratoire. Hein. Bien sûr, certainement. Avec certainement. Des titres de tunes comme ça. Là. On va avoir du Insurrection. Ah, on connaît ça? Ben, c'est supposé. C'est supposé? Ben, jusqu'à moi qu'on se trompe d'Insurrection, là. Insurrection avec la pièce Checkmate qui est parue sur l'album Prototype. Et nous aurons un doublé de Gorguts. Yeah. You know Gorguts? Absolutely. Et oui, nous aurons Sarké aussi. Finalement, on a quasiment toutes des bandes québécois sauf Fumigation, mais Ottawa, c'est pas bien ben loin de... Ben non, de Hall, finalement, c'est... Non, c'est pas loin de Gatineau non plus. Bah, c'est ça. Faire Insurrection vient de Gatineau, Fumigation vient d'Ottawa. Bon. Donc, on a ensuite à Sherbrooke et Gorgot. Ça s'emboîte. Ben oui, il y a rien qu'un pont à traverser. Ben, c'est ça. Alors, Fumigation, Methyl Bromide Poisoning. Go. Milton? Yeah. What's happening? I wanted to say, Milton, you know what would be great? Wait, no. Since you're down here, it would be really great if you could just sort of... Take care of the cockroach problem we've been having in here. No, that's really not my job, and I haven't received my paycheck this week. For now, why don't you go ahead and get yourself a flashlight and a can of pesticide.

l'hiver, les enjeux seront plus élevés que jamais. Les plus grands athlètes du monde, l'honneur du pays, le passage du flambeau. Wow, wow, on se calme avec le drame olympique. Olympique? Je pensais qu'on faisait un remake du film sur Terry Fox. Non, non, c'est juste le passage du flambeau de co-animateur. On va se partager l'animation d'assemblage requis, toi et moi, avec Mathieu. Une chance que tu me dis ça, là. J'étais à ça de me couper la jambe pour faire plus réaliste. Cet hiver, Jean-Philippe Charbonneau et Stéphanie Paradis se partagent le studio avec Mathieu Plante. Écoutez-les à Assemblage requis, du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. Tous les dimanches, de 17h à 19h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM, Branchez le monde vous présente le meilleur de la musique, de la culture et de l'actualité, tant nationale qu'internationale. Impossible de manquer l'émission, même si votre vie est en danger. Allô? Allô? Allô? Pourrais-je parler à Monsieur Leblanc? Je suis prêt. Du lundi au jeudi, de 11h à 13h, ne manquez pas votre rendez-vous avec l'insolite international et la connerie humaine dans le dîner de cons sur C'est fou 89. Toute une semaine. Le dîner de cons est une présentation de La Barrique, le magasin de bière à Trois-Rivières, 4170, boulevard des Forges. Je sais, c'est constructif. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. 20h22. Et vous êtes à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Qu'est-ce que nous avons eu avant cette pause? Et formation norvégienne Sarké avec Nocturno Culto au vocal. Cool, avec l'excellent troisième album Arwagint qui est paru le 20 septembre sur Indie Recordings. On a entendu la pièce Jodao Ora. C'est un très bon album, très fidèle à ce qu'on fait, même un peu plus rock, un peu plus progressif que les précédentes parutions. Moi, je trouve ça bien. C'est très bon. On avait doublé Gargantz auparavant. Bien sûr. Ça avec? Ben, on a eu Forgotten Arrow. Mm-hmm. C'est paru sur Colored Sands, paru sur Season of Mist, plutôt l'année passée. Oui, le 30 août précisément. Et nous avions auparavant, évidemment, la première pièce qui était celle-là, Mon choix de Gorguts, soit la pièce d'ouverture de l'album Colored Sands, soit Le Toit du Monde, qui est paru également le 30 août 2013. Ils sont la même étiquette. C'est le même album à part de ça. Hey, c'est incroyable. Ça? Hey, c'est incroyable. Mais quel hasard, hein? C'est bizarre, hein? Puis ça nous arrive plus d'une fois depuis trois semaines en arrière. On s'est même pas consulté. On s'est même pas appelé. Non, on savait même pas qu'on était pour prendre ces albums-là. Non. On savait même pas encore moins que ces albums-là existaient. Puis on savait même pas qu'on était pour faire une Retro Undead, ma fille. On savait même pas qu'on faisait de la radio. Ouais, mais ça, faut pas le dire, par exemple. Ouais, c'est vrai. Bon, OK. J'ai trop parlé. Ouais, tu peux. j'ai fait un rock forward de moi-même. Oui, effectivement. Mais vous aviez. Moi, t'es pas corrompu. Pas en extérieur. C'est ça. Avant Gorgoth, Sinistros, nous avions quoi? Insurrection avec Checkmate, paru sur l'album Prototype, qui est paru le 26 août sur Galley Records. Et Fumigation avec la pièce Methyl Bromide Poisoning. C'est paru sur l'album Integrated Pest Management et c'est paru le 20 août sur Cillian Records. C'est bien cela. Oui. BCI vous propose le vendredi 7 février à 18h au Fofounes électriques les formations Huggery, Honeyman et Terra Mobile en compagnie de Contemplator. Les billets sont disponibles au coût de 16$ et 21$ taxes incluses via admission. Death Angel, toujours dans la catégorie BCI. Children of Bottom, pardon, yeah. En compagnie de Death Angel. Ça, c'est super bon, par exemple. Et Tyr, samedi 15 février à 20h au Métropolis. C'est un spectacle pour tous au coût de 34,78 et 39,13. Ah, ben, c'est pas pire. Pour le prix, tu vas voir Tyr, tu vas voir Death Angel, puis tu sacs ton camp après. Effectivement. C'est disponible via Ticketmaster. Moonspell sera en compagnie de Leaves Eyes et Atrocity le mardi 18 février prochain à 19h au Fofounes électriques. Il en coûtera 21 $ et 26 $ taxes incluses via admission. Cataclysm, Aborted et groupe invité. Ah, ça fait longtemps qu'on ne s'avait pas vu, eux autres. Oui. Ils seront le vendredi 4 avril à 19h au Club Soda. C'est pour tous au coût de 20 $, 25 $ taxes incluses. La billetterie du Club Soda. Moi, juste une parenthèse, j'ai tous les albums de Cataclysm, hein, mais cette année, non. Ça passait pas. Ben. Je l'ai pas aimé. Moi non plus. Je l'ai, non, honnêtement, là. Ça sonne légèrement le réchauffé. Je trouve que oui. Oui, je trouve que oui. Decibel Magazine Tour présentera, 2014 bien entendu, présentera Formation Carcass, Black Dahlia Murder, Gorguts, ce qu'on vient d'entendre, et Noisem. C'est le mercredi 9 avril à 19h. C'est pour tous au Métropolis au coût de 30 $, 43 $, 34 $, 78 $ plus taxes. C'est disponible via Ticketmaster. Et Destruction sera en compagnie de Crazyon et Ex Mortus le lundi 14 avril à 20h au Fofounes Électriques. Il en coûtera 21 $ et 26 $ taxes incluses pour y assister via admission. Évidemment, il faut avoir 18 ans et plus. J'ai entendu des rumeurs. Je sais pas si c'est véridique. Des rumeurs. Sur Destruction pour ce show-là. Oui. Qui ferait Infernal Overkill au complet. T'es-tu sérieux? Apparemment. Ben, peut-être que ça va remousser leur popularité. Peut-être. Ben oui. Ben, peut-être qu'en plus, ils vont peut-être mieux le refaire que c'était fait à l'époque. Peut-être plus tête. Un petit peu maladroit. Un petit peu plus tête, peut-être. Peut-être avec un meilleur son aussi. Oui. Ben, ça reste quand même un album entre guillemets un peu classique, culte, là. C'est ça, tout à fait. Continuons cette rétro ciné Undead. Je suis rendu avec... est-ce que tu l'as vu, le film Jobs? Oui. Comment t'as aimé ça? Ben, je me suis aperçu que Steve Jobs, c'était un méchant spécimen, là. C'était un méchant moineau. Méchant moineau. Ça ne doit pas être trop drôle de travailler avec ça. Ça devait être très désagréable, même. Mais as-tu aimé le film? Oui, oui, j'ai trouvé ça super bon. Puis je me suis surpris à aimer Ashton Kutcher. T'as eu la même réaction que moi. Moi, j'ai tout le temps... Ben, moi, je le trouvais... Je l'aimais pas, ça. Ben, c'est parce que c'est pas question... On peut pas dire qu'on l'aimait pas. Parce qu'il a toujours fait des rôles de films de petites filles, tu sais. Ben, moi... Il a tout le temps fait des rôles poches, des films poches. Ben, il jouait dans 70 Shows, avant 70 Shows, qui était une série qui était quand même assez bonne, là. Moi, je l'aimais pas, mais il y a plusieurs personnes qui trouvaient qu'il était pas mal highlight là-dedans. Mais moi, j'aimais pas la gueule là, de cet acteur-là. Puis effectivement, je trouvais qu'il faisait des rôles un peu insignifiants. Mais je trouve, je lui lève mon chapeau, il a excessivement bien, en tout cas, selon moi, incarné Steve Jobs. La démarche, Jobs. Tout, là, il l'a. C'est vraiment un excellent film. Quand Steve Jobs, là, c'était pas quelqu'un de reposant, mais il faut avouer que c'était un visionnaire, le gars. Je pensais pas que le gars, il était comme ça, là. Moi non plus, pas du tout. Ça avait l'air d'être un good guy. C'est oui, ce qu'on voyait, l'impression qu'il laissait. Tu sais, quand on entend les gens qui trippent sur Mac versus les gens qui trippent PC, puis qui disent... ah, ben là-dedans, dans cette histoire-là, c'est Bill Gates, le mangeur de marde, puis nanana, ouais, c'est peut-être Steve Jobs, en fin de compte, qui était un petit peu... Ben, écoute, le gars était très ambitieux. Le gars avait se l'est pas donné facile dès le départ. Il a vraiment été défriché un sentier qui ne l'était pas du tout. Il a ouvert le chemin à bien des choses, mais il reste un aspect qui ressort bien dans le film, c'est que ce gars-là était excessivement têtu. Tu sais, quand il renie son enfant, puis tout dans le film, c'est sacré, fils. Ouais, mais tu sais, lui, c'était son royaume pour l'innovation, pour le succès. Tu sais, c'était tout ça. C'est vrai que quand il était jeune à l'époque, là, c'était probablement irréfléchi aussi, là. Mais on voit que le gars était aussi tourmenté. Puis, écoute, il l'a pas eu facile. Écoute, t'es le président de ta compagnie, tu te fais destituer là, par le CA parce que, écoute, il y a diverses raisons, mais quand t'es rendu que tu délépides tous les fonds de ta compagnie sans savoir ce qui sort, quoi qu'il en soit, c'est un très bon film. Gangster Squad, c'est un excellent film qui met en vedette. Écoute, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Sean Penn. Qui joue le rôle de mafiosi notoire. Ça met aussi en vedette Josh Brolin, qui est excellent dans le rôle. Ça se passe dans les années 30, à l'époque de Prohibition. C'est un très bon film de gangster. C'est très bien fait. C'est vraiment tourné dans l'esprit des films des années, je dirais, fin 40 et 50 de gangster à la sauce actuelle. Mais c'est vraiment un très bon film. Un film d'action que j'ai trouvé quand même pas mal bien, c'est Olympus Has Fallen, qui met en vedette... comment il s'appelle déjà, celui qui jouait dans 300, là, Gerard Butler. C'est un film très patriotique, là. C'est un film d'action distrayant. Puis j'ai trouvé ça quand même intéressant parce que ça brasse beaucoup. C'est un peu le chute de la Maison Blanche, on veut, par des attaques terroristes. Ça brasse pas mal. Pacific Rim, c'est un film. As-tu vu Pacific Rim? Non, je l'ai pas vu encore. Bon, écoute, c'est un film de science-fiction qui est très, très basé. Ça, c'est des études de monstres. Ben, c'est des robots géants contre des monstres géants. C'est très, très basé sur le phénomène de Gigantic Monster japonais des années 50 et 60 et 70 aussi. Ça a une sauce très, je dirais, entre guillemets, teenager, si on veut, là. Mais c'est vraiment distrayant, là. C'est vraiment très, très distrayant. Il y a une petite histoire un peu à l'eau de rose à travers ça, là. Mais c'est quand même un film, c'est impressionnant, là. C'est bien fait, là. Pacific Rim, je pense que c'est un bon film. Le dernier, je vais vous parler à l'instant, c'est le film... C'est un film d'action, oui, mais c'est principalement un film d'aspect très politique. C'est Phantom, qui met en vedette... j'ai un blanc de mémoire, je vais aller voir à l'instant. Ed Harris, voilà. Et David Duchovny, qu'on a connu bien entendu dans la série X-Files. C'est un capitaine de sous-marin soviétique qui reprend du service, qui est demandé de reprendre du service, mais à son bord, son supérieur est un terroriste. Donc, c'est quand même intéressant parce que c'est vraiment une dualité. Puis là, ils sont confinés dans leur espace. Là, on s'entend que c'est vraiment là, t'sais, dans le sous-marin. C'est un bon film. Moi, j'ai trouvé ça... Donc, c'est Ed Harris qui serait terroriste là-dedans? Non. C'est Duchovny? Oui, c'est David Duchovny qui est le terroriste. D'ailleurs, il a l'excellent profil de l'emploi, je dois dire, comme terroriste. Il est vraiment très convaincant là-dedans. Musicalement parlant, nous allons continuer cette fois-ci avec... un des choix de Sinistros, d'ailleurs, je crois que c'est le seul choix qu'il aura dans ce bloc-ci. Tu me laisses pas le choix. Formation que tu m'avais fait découvrir, je dirais, 3 ou 4 ans facilement. Ben, oui, il y a quelques années. Formation allemande qui est très conceptuelle. Un duo, en plus, qui plus est. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Je connais 3 albums précédents de ce groupe-là. Je trouve ça très, très bon. Ça a un aspect, des fois, qui est un peu, à tendance, peut-être... comment je pourrais dire? Gothique. Oui, gothique. Puis je trouve que c'est un band qui est intelligent. Très. Puis je pense que tu as aimé beaucoup la dernière parution. Ben autant que toutes les autres précédentes... ce que j'ai trouvé avantageux avec The Vision Bleak, qu'on va finalement finir par nommer, ben oui, c'est que même si tous les albums s'imbriquent un dans l'autre, il y a quand même des grandes différences entre chaque album. Oui. Il y a des différences de sonorité. Oui. Si on prend comme l'avant-dernière apparition qui était Set Sail to Mystery, qui était grandiose, majestueux, et c'est comme quasiment symphonique. Oups, on retrouve un côté plus cru. Puis plus direct avec Witching Hour. Ouais. Mais c'est sûr et certain que le thème des sorcières, ça voulait peut-être avoir un son un peu plus ben, dry. Oui, là, je pense que le band s'adapte à leur concept. Ils ont eu un album qui parlait de la lycanthropie. C'est ça. Ils ont eu un album Satire to Mystery, le vampirisme. Oui. Maintenant, ils s'attaquent aux sorcières. Je me rappelle pas avant, par contre, qu'est-ce que c'était. Oui, ils mélangeaient un peu tout. Là. Okay. C'était comme... ça restait sur le côté... horrifique, là. Okay. Mais je pense qu'effectivement, le band s'adapte selon le concept qu'ils vont endosser pour l'album. Puis peut-être que, justement, le concept des sorcières devait être un petit peu plus papier sablé. Oui, oh, c'est ça. C'est vraiment intéressant. C'est joué avec des guitares à 7 cordes, donc c'est relativement très gras. Mais c'est pas du death, là. Non, absolument. T'sais, on pourrait dire mettons du Sisters of Mercy plus pesant puis plus rythmé, mettons. Plus malsain aussi. Plus malsain, c'est ça. Ouais, tout à fait. On poursuit ça après ça avec Death Angel, Motorhead et Metal Church. Mais tout de suite, allons-y avec la pièce de Vision Bleak qui est... Witch is Born de l'album Witching Hour. C'est paru sur Prophecy Production. C'est parti, go! In the grim and murky mire, local righteous theme. A murmuring that rhymes into the winter night. The laughter rocks the spines. The reeking breath of life. The nose is getting blue. The noise is true. Cause a bumper, cause a swell. Read the rhythm of the spell. Wake up at the last of food. A breath shall be restored. Et la pièce Coup de grâce est tirée de l'album Aftershock qui est paru le 22 octobre dernier sur UDR Music. Coup de grâce, c'était quand même. C'est un coup de grâce. C'était à propos. Ah、 oh, oui, effectivement. C'était à propos. Ça rentre dedans. Oui, mais c'est aussi à propos que la santé de Lémy, d'après moi. Oui. Je ne sais pas si c'est inspiré, là, ce titre-là. Ou quoi. Aftershock, c'est parce qu'ils l'ont réanimé ou. Je ne sais pas. J'espère que ce n'était pas la dernière fois que Motorhead enregistrait un album. Écoute, Lémy l'a dit que lui, il mourrait sur scène. Il va mourir avec sa baisse, c'est ça. Oui, il va mourir sur sa baisse. Il va mourir avec sa baisse dans son lit, il remarque, là, tu sais. Oui, c'est parce que c'est plus plate un peu. Oui.Mais il a dit qu'il finirait sa vie sur scène. Je ne sais pas si ça va se réaliser. Moi, je lui souhaite, c'est ce qu'il veut avoir. J'espère qu'on va être capable d'avoir encore un autre album de Motorhead, qui quand même, on doit avouer, ils sont assez fidèles, et je dirais... Oh, ils n'ont jamais fait de scrap, là. Ils font pas de scrap, mais ce que je veux dire aussi, c'est que tu n'attends pas après un album de Motorhead. Non, non. C'est régulier. T'en as un, c'est, je dirais, généralement à peu près aux deux ans, une année et demie, deux ans... C'est là. Ça va t'attendre. Oui, effectivement. C'est du monde red. Juste auparavant, nous avions Death Angel qui est paru le 11 octobre dernier et la pièce Left 4 Dead qui est tirée de l'album The Dream Calls for Blood qui fait partie d'ailleurs de mon top 10 et qui est en troisième position. Et toi, tu ne l'as pas choisi parce que tu connais rien. Ben, je ne l'ai pas choisi. Il est plus loin dans mon top à quelque part. Oui, il est dans ton top 1000, toi, je pense. Ouais, 895. OK. On va te répéter cette année. Oui, c'est okay. Ça. Il y avait moins de bons albums. Death Angel était sur l'étiquette Nuclear Blast et nous avions ouvert avec. Ben, Division Bleak avec A Witch is Born qui est tiré de l'excellent Witching Hour qui est paru sur Prophecy Productions. Le 27 septembre. Et oui. Oui, c'est un bon album, effectivement. Cette pièce-là, c'est ma préférée d'album d'ailleurs. Très bonne. Tout à fait. Retournons en cinéma avec. Le film de Purge, est-ce que tu as vu ça? Oui. Comment tu trouvais ça? Moi, j'ai trouvé ça super bon, c'est super original. Bon. C'est, effectivement. Ouais. Ouais. Et je me suis surpris à trouver Eden Hawke quand même très bon comme acteur. Ça, c'est... Ben, quoi que lui, même si je l'ai toujours préféré à Ashton Kutcher, là, mais. Même s'il ne dure pas très longtemps dans le film non plus. Non, là, non. C'est... Mais l'idée de base du scénario est assez originale. C'est qu'une fois par année, aux États-Unis, du coucher du soleil aller au lendemain, je crois, c'est 8 heures. Il n'y a plus aucune loi qui tienne. Il n'y a plus aucun service d'urgence, de police, d'incendie, quoi que ce soit, qui soit en fonction. Mais c'est fou de dire qu'ils ont fait ça, cette loi-là, pour éliminer les pauvres. Tu sais, c'est carrément capoté. C'est que tu peux te faire justice toi-même et tu peux t'en prendre à qui tu veux selon peu importe la raison. Par simple défoulement. C'est parce que selon la philosophie de cette trip-là, c'est dans une Amérique pas très lointaine, tu sais, un peu dans le futur. Ouais. Puis où ce que les Américains ils ont trouvé les mots à leur problème économique. Ouais. Donc il y a trop de pauvreté. Il y a trop de pauvreté. Donc le meilleur moyen pour s'en soulager. Il faut soulager les pauvres. Donc une fois par année pendant 12 heures, ben on fait une purge. On fait une purge. Voilà. C'est un bon film de Purge. L'autre choix que j'ai retenu, c'est un documentaire, c'est Sound City. As-tu vu Sound City? Non, de Dave Grohl? Ah, il faut que tu vois ça. C'est vraiment génial. C'est de Dave Grohl. J'ai vu quelques passages là, où il n'y avait pas le McCartney. Puis oui, ça, c'est vers la fin, effectivement. L'histoire de Sound City. Sound City est un studio à Californie qui a été très, très populaire, principalement dans les années 70, qui a vu naître énormément d'enregistrements grandioses de très grands noms, très grands artistes. Et tout tourne principalement autour d'une console qui était une console révolutionnaire qui venait d'Angleterre, si je ne m'abuse, qui avait une façon de traiter le son très, très, très particulièrement. Et ce studio-là, à un moment donné, a fait faillite parce que, bon, il y a eu l'avènement des... il explique très bien l'avènement des PC qui sont venus faire l'assistance à l'enregistrement. Ça l'a tué vraiment l'analogique, et ainsi de suite. Donc, le studio a fait faillite, a fermé. Et Dave Grohl, lui, a décidé de recontacter le propriétaire de ce studio-là parce que le studio physiquement existait toujours pour racheter cette console-là et la rapporter avec lui dans son propre studio et refaire un enregistrement vraiment analogique avec la console et inviter des grands noms. Donc, il invite, écoute, il y a toutes sortes de gens, Stevie Nicks de Fleetwood Mac qui est là, tu l'as dit, Paul McCartney. Mmh. C'est vraiment excellent de voir que Paul McCartney, malgré ses 72, peut-être 73. Autour de ça, se prête au jeu de façon comme un enfant. Oh, et très, en très, très grande complicité avec Dave Grohl, qui est un grand musicien, soit dit en passant. T'as Frank Black qui est là. T'en oublie. Mais c'est vraiment très, très bon. C'est très intéressant. T'as beaucoup de footage qui viennent de l'époque où le Sound City était en activité. Et ça commence en disant que c'est une narration de Dave Grohl qui dit que lui, quand il était enregistré la première fois avec Nirvana, c'était à Sound City. Puis qu'il est arrivé là, il en avait entendu parler comme c'était fantastique, mais c'était un trou à rats. C'était vraiment pas propre, c'était vraiment très peu accueillant, ça valait absolument rien, mais il se faisait des productions extraordinaires. Donc Sound City, c'est vraiment très très bon. Film de science-fiction que j'ai retenu et qui est très très bon et que t'as aimé aussi, j'en suis certain, c'est Star Trek Into Darkness. Oh que oui! La suite du premier, réalisé par J.J. Abrams, qui fait vraiment honneur à toute cette série culte sous toutes ses coutures, c'est vraiment excessivement bien fait. Heureux d'avoir Khan, tu sais, cet acteur-là, on l'a vu dans Sherlock Holmes, une série récente. Ça fait drôle de voir un rôle de méchant de même. Oui. Comme, En tout cas, il est plus crédible qu'à l'époque, c'était... Oui, c'est sûr que... Comment il s'appelle? Alberto Montalban, oui. Il faisait Khan dans les films des années 80 de Star Trek. Ouais, disons que c'est un peu plus crédible, là. C'est... Tout à fait, absolument. On va s'en garder pour la semaine prochaine, il reste encore. Mais là, on va conclure cette édition de réanimation et cette troisième phase de la Rétro Oui, finalement, on n'a pas réussi à passer au travers cette semaine. Donc on passera pas au travers avant la semaine prochaine. On va clore avec une dernière pièce, mais avant la semaine prochaine, pour combler cette dernière Rétro Dead, nous allons vous présenter la présentation du dernier album de Legion of the Damned, Ravenous Plague. Oui. Sur ce, on se quitte avec Metal Church. Et c'est toi qui m'as fait connaître le dernier album de Metal Church. Je t'en remercie parce que je le trouve super bon. Il est très, très bon. Oui, Metal Church, la pièce étant Bulletproof que l'on retrouve sur Generation Nothing qui est paru sur l'étiquette Rat Pack Record le 22 octobre dernier. Sur ce... Allez tous vous faire foutre. Ben, bien entendu! Eh oui! Ciao! It's not a weapon.